Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je continue à vous faire découvrir des podcasts qui me plaisent tout particulièrement et que j'écoute tout au long de l'année pour creuser les sujets qui me passionnent. Je vous fais découvrir aujourd'hui le podcast Supplément d'âme de Laura Jane Gauthier que j'ai reçu dans l'épisode numéro 2 de mémoire de 2030 Glorieuse. Vous irez voir, c'est peut-être un petit peu avant ou un petit peu après, mais toujours est-il que c'était dans la première saison des épisodes de 2030 Glorieuse. Laura Jane, c'est une journaliste qui veut donner du sens à son métier en mettant en avant les personnes inspirantes qui proposent des alternatives à notre monde actuel sur des sujets clés. Alors si forcément Laura Jane touche du doigt les sujets écologiques, elle met en avant aussi des sujets liés au féminisme, à la religion, aux identités, à la culture, etc., etc. Et dans l'épisode que je vous fais découvrir aujourd'hui, elle donne la parole à Sarah El Attar, qui fait partie malheureusement des rares femmes voilées à qui on donne la parole. L'épisode à venir est vraiment passionnant, il apporte des nuances, des contradictions, il apporte en tout cas des éléments qui, j'en suis persuadé, vont vous faire réfléchir et avancer sur des sujets vraiment complexes. Et puis forcément, hein, si vous n'êtes pas encore abonné au podcast Supplément d'âme, je vous invite à le faire puisque Laura Jane, elle a un talent vraiment particulier pour faire justement ressortir le supplément d'âme, et ça c'est le nom bien trouvé des personnes à qui elle donne la parole, et à chaque fois ce sont des épisodes et des interviews vraiment chargées émotionnellement. Et puis moi, je suis très content de vous avoir fait découvrir tous ces épisodes, tous ces podcasts qui m'accompagnent au quotidien. On va bientôt reprendre un rythme un peu plus régulier avec des épisodes, on va dire classiques, des 2030 Glorieuses qui reviendront très bientôt. Et je vous dis donc forcément à la fois une bonne écoute de cet épisode et à très vite pour continuer ensemble à voyager en 2030 Glorieuses. Salut! Je suis Laura Jane Gauthier et vous écoutez Supplément d'âme, le podcast des gens engagés. Supplément d'âme est un podcast indépendant. J'ai donc besoin de vous pour le faire vivre. Alors n'hésitez pas à le partager, à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts et à en parler autour de vous afin de faire rayonner les projets et associations des personnes que j'interviewe et qui œuvrent pour un monde plus respectueux du vivant. Je vous souhaite une très belle écoute. 3, 2, 1, c'est parti. Yes, we can. Bienvenue dans Supplément d'âme, le podcast des gens engagés. I am fighting for my future. Notre maison brûle. Je ne veux plus me mentir. Et nous regardons ailleurs. We cannot sit back and nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. We all know that it takes more than one to win this fight. Nous ne savions pas. Nous avons tous du potentiel, quasi infini. We really can change the world. We should not doubt. Sarah El Attar, c'est une jeune femme de 27 ans. Une jeune femme au tempérament d'athlète de haut niveau et qui manie le verbe à la perfection. Si son nom vous est familier, c'est parce qu'elle a fait un passage télévisé très remarqué sur CNews en octobre dernier, lors du débat, si on peut appeler ça un débat, sur le voile. Elle a fondé une association qui s'appelle Hashtag Ambition et qui accompagne, promeut et encourage des initiatives de réussite dont le projet phare est un concours d'éloquence intitulé Parle Éloquence. Sarah, c'est une guerrière et vous allez vite comprendre en l'entendant pourquoi elle a été érigée, d'abord par ses amis, puis par énormément de monde comme porte-voix des femmes qui portent le foulard. Mais comme elle le dit si bien, elle aimerait qu'on la sollicite sur d'autres sujets que ce qu'elle porte sur la tête. Et ça serait vraiment une excellente idée de le faire, car je peux vous dire qu'elle en a des belles choses à dire. Bonjour Sarah El Attar. Bonjour Laura Jane. Merci beaucoup d'avoir répondu présente à mon invitation, je suis plus que ravie. Ma première question, elle est simple. Est-ce que tu veux bien me raconter ta vie ? Alors, avec plaisir, déjà avant tout, je tiens à te remercier pour l'invitation. Quand je raconte mon parcours, j'aime bien commencer par la primaire parce que je pense que c'est un passage qui m'a vraiment forgée, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il y a des choses qui nous arrivent quand on est enfant qui marquent vraiment un tournant dans la vie. Après, je ne l'ai pas compris tout de suite, Avec du recul, j'ai constaté que ça a beaucoup joué. Donc, en primaire, j'ai passé quelques jours en CP. Et au bout de quelques jours, on m'a proposé de passer en CE1 parce que je savais lire. Parce que j'étais l'aînée de ma famille et que mes parents ont eu le temps de m'apprendre à lire et à écrire pendant que j'étais en maternelle. Et donc j'ai intégré la classe de CE1 peut-être courant septembre. Et ça a été hyper violent pour moi parce que les enfants sont très cruels les uns entre les autres. Et donc c'était difficile au départ, mais j'ai eu la chance d'avoir un très bon coach qui était ma grand-mère. Qui me faisait... elle faisait un travail avec moi que je comparais, tu sais, au travail que font les coachs avec les sportifs, avec les athlètes. Tu sais, un peu la mi-temps entre les différents rounds. Et tu vois, t'as le coach qui dit à son sportif, « Vas-y, faut que tu donnes tout, machin, etc. » Et ben c'est un petit peu ce que ma grand-mère a fait avec moi. Elle me disait des phrases du genre, « Ce qui est important, c'est dans la tête. De toute façon... les gens ont beau dire ce qu'ils veulent sur toi, ça ne deviendra pas, jamais vrai si c'est faux, tu vois. C'est pas parce que... Et moi, il y a un truc que j'aime beaucoup dire, du coup, depuis, c'est que la majorité ne fait pas la vérité. C'est une conclusion que je me suis faite un peu pour résumer ce que ma grand-mère me disait. Et donc, petit à petit, j'ai appris à faire abstraction, en fait, de tout ce qu'on me disait, de tout ce qu'on pouvait me faire. Et en fait, je pense que ça m'a aidée à me forger une personnalité très, très tôt. C'est-à-dire que dès 9 ans, 10 ans, je me disais que si j'avais envie de faire quelque chose, bah, je devais le faire et que je ne devais pas faire attention aux critiques ou aux jugements que pouvaient porter les autres sur moi. Donc, ça t'a rendu forte très jeune, en fait. Ouais, ça m'a rendu forte très jeune. Après, c'est un objectif que j'ai travaillé pendant des années pour lequel j'ai travaillé pendant des années pour pouvoir l'atteindre. Mais en tout cas, très tôt, je me suis dit qu'il fallait que ce soit ma ligne de conduite. Ce qui s'est passé, c'est que je pense aussi que je me suis... Bon, j'ai des parents issus du professorat, donc les notes, l'école, c'était très important. Moi, quand j'avais un 13 ou un 14 sur 20, j'étais vraiment... en train de trembler par crainte de la réaction qu'allaient avoir mes parents. Mais je pense qu'au-delà de ça, je me suis aussi réfugiée dans le travail pour rester une manière de prendre une revanche en fait, par rapport aux autres, puisque c'était le seul moyen ou c'était le domaine dans lequel je pouvais exceller et être mieux qu'eux, entre guillemets. Parce que peut-être que d'autres personnes se seraient réfugiées dans le sport ou d'autres dans la bagarre, tu vois. Et moi, mon levier, ça a été ça, et ça a été ça pendant des années. Donc c'est vraiment, je pense, cet élément déclencheur qui est vraiment important. Après, par la suite, j'ai eu un parcours assez classique. J'ai eu mon bac assez facilement avec une mention. J'ai intégré une école d'ingénieur. J'ai eu mon diplôme au bout de 5 ans. J'ai commencé à travailler. Donc j'ai commencé à travailler au sein de l'entreprise chez laquelle j'avais fait mon stage de fin d'études. Ils m'ont gardé parce que ça s'était bien passé. On s'est fait racheter par un autre groupe. Donc il y a une nouvelle expérience qui a commencé dans la même boîte. Et ensuite, donc, j'ai été diplômée en 2014. J'ai fait mes études jusqu'en 2017. Et en 2017, j'ai eu un accident de voiture. Qui m'a complètement immobilisée. Je pouvais pas... j'ai pas été hospitalisée, mais en tout cas, j'étais alitée chez moi et je pouvais pas bouger. Je pouvais marcher, mais c'était très douloureux parce qu'étant donné que je m'étais fissuré les côtes, que j'avais des entorses aux pieds, un traumatisme cervical, fallait mieux que je reste au lit. Donc, et puis les côtes, c'est quelque chose qui se répare avec le temps. C'est pas comme les jambes, on peut mettre un plâtre ou les bras. Sachant qu'on respire en fait et que les poumons font systématiquement bouger les côtes, il faut attendre. Et que c'est ça très douloureux en plus. Ouais, c'est très douloureux. Moi, je me souviens que pendant un mois et demi, je demandais à mes amis de ne pas faire des blagues parce que dès que je rigolais, ça faisait très mal. Et je n'ai pas éternué pendant de longues semaines. À chaque fois, je bloquais l'éternuement. C'était assez drôle. Et en fait, suite à cet accident, je travaillais, j'étais consultante. Donc, j'avais des missions qui étaient renouvelées tous les 3 ou 6 mois. Et ma mission n'a pas été renouvelée. parce que financièrement, c'était trop coûteux pour eux, pour mon entreprise en tout cas, d'attendre que je me rétablisse, voilà. Donc ma mission n'a pas été renouvelée, et puis bon, on m'a dit qu'il y avait une réorganisation interne, etc. Mais bon, je savais très bien pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça. J'ai eu, bon, au-delà de l'aspect légal lié à la maladie, ils avaient d'autant moins le droit de le faire, puisqu'ils avaient renouvelé ma mission beaucoup trop de fois, en fait. Il y avait, je pense qu'on peut le faire deux ou trois fois, et moi, ma mission, elle avait été renouvelée quand même pendant plusieurs, pendant un peu plus de deux ans. Et donc, j'avais la possibilité de les emmener au prud'homme, etc. J'y ai réfléchi pendant un moment. Il y a pas mal de mes collègues qui ont fait une procédure avec le syndicat pour pouvoir être embauchés. Mais je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit que j'étais, enfin, que je suis jeune, en fait, que c'était ma première mission. Et que finalement, faire la procédure pour obtenir une embauche dans cette boîte, ce n'était pas forcément ce que je voulais. Donc j'ai décidé de clore ce chapitre de ma vie. J'ai été contactée par un ancien collègue donc de cette boîte qui avait lui son entreprise à côté, qui m'a proposé de travailler pour lui. Donc je l'ai accepté. C'est quelqu'un d'ailleurs que j'apprécie énormément. Et en fait j'ai fait ça pendant presque un an jusqu'à fin 2018, mais je m'y retrouvais pas. Donc ça se passait très bien. J'étais en de très bons termes avec l'équipe. Je faisais correctement mon travail, c'était plutôt satisfait, mais ça ne me correspondait pas, en fait. Je me suis rendu compte que ce n'était pas ce que je voulais faire. Et puis, il y avait des aspects... je me suis rendu compte que ce métier ne correspondait pas à ce que je voulais faire. Et ce qui se passe, c'est que... donc, on était en 2018. Et moi, en 2016, j'avais créé mon asso avec une amie d'enfance, Hashtag Ambition, qui est une association qu'on avait créée initialement pour faire de l'accompagnement à la scolarité, à la réussite scolaire, parce que étant étudiante, en fait, on avait justement été professeur à domicile pendant de longues années. Et une fois qu'on a commencé à travailler, on a arrêté de le faire parce qu'on ne pouvait pas être partout. Voilà, on en avait plus forcément besoin, on n'avait plus le temps. Et on s'est rendu compte que le besoin existait toujours et qu'il grandissait, donc on s'est dit là, il faut faire quelque chose. Donc on a commencé par l'accompagnement à la scolarité et rapidement, on s'est tourné vers l'événementiel. On a ajouté le volet concours d'éloquence. Parce qu'on s'est rendu compte, donc avec le programme Parler Éloquence qu'on a mis en place, on s'est rendu compte que c'était un vecteur d'épanouissement et de développement personnel très puissant. Et en fait, mon expérience associative, elle m'a vraiment ouvert sur un monde que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai fait énormément de rencontres. En fait, ça a été une claque, mais dans le bon sens du terme. Je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de choses... qu'il était possible de faire associativement, mais aussi professionnellement. Et en fait, j'avais l'impression d'être aussi dans une forme de schizophrénie quand je comparais ce que je faisais au travail et ce que je faisais dans le cadre associatif, parce que même si on est bien intentionné, dans certains secteurs, c'est compliqué d'avoir la fibre humaine quand on est prisonnier d'une spirale où voilà, on est dans un monde de requins, les boîtes de conseil. C'est un monde extrêmement concurrentiel. Il doit y avoir peut-être 3000 boîtes de conseils. Donc, je te laisse imaginer la concurrence et la compétitivité que ça représente. Donc, tu ne peux pas arriver dans un milieu comme ça. Et avec, comme on me dit souvent, ton esprit de bisounours, c'est te dire que tu vas changer les choses. Malheureusement, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, et c'est puis, ce n'est pas les codes en place en plus. Donc c'est... Tellement pas. Mais tellement pas. Et à ta petite échelle, effectivement, tu peux changer quelques petites choses, mais tu peux pas inverser la donne, c'est pas possible. Et toi, donc, t'avais d'autres valeurs que t'as pu retrouver dans l'associatif, du coup ? Complètement. Les valeurs de bienveillance, d'empathie, d'entraide, voilà, l'esprit de se tirer vers le haut, de comprendre ensemble que ce qui est possible, en fait, est beaucoup plus grand que ce qu'on accepte d'imaginer. Et vraiment, je dis ça de manière concrète, hein, pas... Parce qu'il y a certaines personnes, quand on tient ce genre de discours, on passe un peu pour quelqu'un d'utopique ou d'utopiste, mais c'est réel, hein, ça n'a rien d'imaginaire. Et ce qui s'est passé, c'est que les événements fonctionnaient très bien et j'ai commencé à être sollicitée par des, via le bouche à oreille, via le réseau pour organiser des événements, pour coacher en communication, parce que j'avais entre-temps rejoint un réseau d'éloquence et j'avais passé une formation également pour être formatrice à la prise de parole. Et je me suis dit, mais en fait, c'est un truc que je fais bien et en plus, c'est un truc que j'aime faire, donc pourquoi pas essayer. Ouais. Bah, essayer au moins, parce que je me dis, au moins, si je tente et que ça ne fonctionne pas, j'aurai aucun regret. J'ai la, entre guillemets, j'ai la chance d'avoir la sécurité de l'emploi, j'ai un diplôme en poche. Je suis jeune, donc si demain je veux reprendre quelque chose, je ne pense pas que ce soit hyper compliqué non plus. Donc c'est comme ça que j'ai quitté mon poste en décembre 2018 et que j'ai décidé de me lancer donc maintenant depuis presque un an dans ce que j'aime faire. Après, je ne dis pas que c'est facile tous les jours, c'est vraiment... Je pense que ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat le savent, mais... Parce que du coup, là, tu es indépendante. C'est ça. À la prise de parole en public. Alors, en fait, là, j'ai un petit peu peaufiné mon offre. Je suis coach en communication et en organisation. J'ai lancé récemment un programme qui s'appelle AICOCO. Donc, AICOCO pour inspiration, coaching, communication, organisation. Parce que je mets à disposition, en fait, mon expertise dans plusieurs domaines. Donc, effectivement, la communication écrite, orale, le langage verbal, non-verbal, tout ce qui s'ensuit, autant dans la sphère professionnelle que dans la sphère privée, selon les besoins. Donc, ça, c'est ce que tu fais aujourd'hui ? Ouais, c'est ce que je fais aujourd'hui. Et à côté de ça, alors, moi, si j'ai eu envie de t'interviewer dans le podcast, c'est parce que je t'ai découverte, comme j'imagine beaucoup, beaucoup de gens, ces derniers mois, en fait. Je ne sais plus exactement quand est-ce que c'était, mais... C'était le 21 octobre, voilà. Je ne peux pas oublier cette date. Voilà. Tu as été invitée sur le plateau télévisé de CNews, d'un homme qui s'appelle Pascal Praud, pour enfin... donc, il faut préciser que tu portes le voile, parce qu'évidemment, les gens qui nous entendent ne le voient pas. Ouais, effectivement. Et enfin, on a invité une femme voilée sur un plateau télé, dans un débat dans la sphère publique qui durait depuis des semaines, sans qu'il y ait jamais de femmes voilées qui sont les premières concernées, qui étaient les premières concernées par le débat, qui soient invitées en plateau. Mmh. Est-ce que tu veux bien nous raconter comment ça s'est passé, ce débat, et ce que tu as dit, etc. Ouais. Alors, juste avant d'en parler, je vais profiter du fait qu'il y a probablement beaucoup de personnes qui nous écoutent. Par rapport à la sémantique, moi je préfère, et je l'ai dit dans des interviews, après c'est purement personnel, mais je vais expliquer pourquoi je préfère. Je préfère parler de foulard plutôt que de voile, parce que du coup, en fait, effectivement, le voile c'est la traduction plus ou moins du mot hijab en arabe, sauf que, comme disait un de mes professeurs, parfois traduire, c'est trahir. Et en fait, dans la langue arabe, le mot hijab, il a une connotation plutôt améliorative, plutôt positive, alors qu'en français, quand on parle de voile, c'est plutôt pour cacher, dissimuler quelque chose. En fait, en arabe, quand on parle de hijab, ça renvoie plutôt au mot écrin. Plutôt, on protège quelque chose de précieux. Donc, je préfère parler de foulard. Et aussi, je préfère parler de femmes du coup, qui portent le foulard que de femmes voilées parce que y a certaines personnes, c'est pas le cas de tout le monde, mais il y a certaines personnes qui, quand elles emploient l'expression femme voilée, elles objectivent en fait la femme en la résumant à ça. Bien sûr. Parce que j'ai jamais entendu quelqu'un parler d'une femme qui porte une mini-jupe en disant femme mini-jupée ou femme jupée. Donc je pense que c'est important de dissocier les deux. Merci de me le dire. Non, mais c'est normal. Alors du coup, franchement, c'était une expérience... Comment ils t'ont contacté déjà ? Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une fille qui travaillait à la rédaction, qui travaille d'ailleurs toujours, à la rédaction de CNews, qui est passée par des amis à elle qui sont très suivis sur les réseaux sociaux et qui leur a demandé de mettre une annonce pour justement... pouvoir mobiliser ou trouver des volontaires qui accepteraient bien de participer à l'émission. Et moi, il faut savoir que... Bon, là, je suis plus connectée réseaux sociaux, mais avant, je ne l'étais pas tellement. C'est-à-dire que j'étais sur les réseaux sociaux, mais je n'avais pas tendance à être scotchée tout le temps sur mon téléphone, à regarder les stories tous les jours. Parfois, j'ai même des amis qui me disent « Ah, mais t'as pas vu ma story la semaine dernière ça se fait pas. » Mais j'ai pas le réflexe, en fait. Donc, j'ai reçu un message d'une amie qui m'a transféré justement la story en question. Bon, j'y ai pas trop prêté attention. Ensuite, j'ai reçu le message d'une autre amie qui m'a envoyé cette story. Et quelques heures avant, j'avais reçu, on m'avait envoyé parce que c'était un jeudi. Et le jeudi, à la fameuse émission au TPMP, il y avait une maman qui porte le foulard qui avait été invitée et qui s'est juste fait la pauvre massacrer par la personne qu'on lui a mise en face parce que c'était pas équilibré. Et donc, j'ai deux amies qui se connaissent pas qui m'ont chacune envoyé soit une photo, soit une petite vidéo de l'émission TPMP en me disant « Mais c'est n'importe quoi, ils auraient dû t'inviter toi, tu te serais bien exprimé, etc. » Et donc, juste après, je reçois cette story. À deux reprises, en plus. Je l'ai reçue. Alors, la story, je l'ai reçue quatre fois. Ouais, de quatre personnes différentes. De quatre personnes différentes qui ne se connaissent pas. De quatre amis. Parce que du coup, via le réseau et via toutes les expériences de vie que j'ai eues, je connais pas mal de monde. Donc, c'était toutes des copines, mais elles se connaissaient pas entre elles. Et en plus de ça... Donc j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, ouais, là ça fait beaucoup, je reçois deux messages, en plus je reçois quatre fois la story. C'est peut-être un signe, en tout cas. Signe, voilà. Et puis moi je ne crois pas au hasard, sachant qu'en plus, le matin même, j'étais en interview chez le magazine Yard. Et c'était une interview très cool, où on discutait avec le rédac-chef et puis il prenait des notes pour par la suite faire un article écrit. Et à un moment donné, on a commencé à parler de la télé. Donc moi, ça fait des années que je ne regarde pas la télé. Et je lui dis, tu sais, quand je vois des extraits d'émissions sur les réseaux sociaux, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est de foncer à la télé et de leur dire qu'ils racontent n'importe quoi. Donc en fait, si tu veux, tous ces éléments, pour moi, c'était... je me suis dit, c'est pas possible que ce soit un hasard. Je dis... Et du coup, j'ai un petit peu pensé, tu sais, à toutes les théories sur la loi d'attraction. Parce que je pense que quand j'ai dit ça ce matin, je le pensais tellement fort. C'était tellement sincère que j'ai attiré une situation quelques heures plus tard de ça. Et je me suis dit, très honnêtement, je vais lui envoyer un message. De toute façon, je pense qu'elle va en recevoir plein et qu'elle va jamais me rappeler. Donc, je réponds à l'annonce. Je lui dis, écoute, tu peux envoyer mon numéro à la personne qui travaille chez CNews. Je veux bien me porter volontaire. Donc, quelques minutes plus tard, je reçois un appel. Et il y a la fille qui me dit... écoute, vous êtes une trentaine à m'avoir contactée. Je vais regarder, je vais étudier un petit peu les candidatures. Elle m'a demandé rapidement ce que je faisais, mais l'échange a duré peut-être 5 ou 6 minutes. Et elle me dit, je te tiens au courant. Donc, et puis peut-être une demi-heure plus tard, elle me rappelle. Elle me dit, écoute, moi j'ai eu un bon feeling avec toi, je veux que ce soit toi qui y aille. Et je me dis, oh purée, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Franchement, on était 30 et tout, pourquoi moi? Et elle me dit, une émission de demain. Je lui dis, non, c'est pas possible. Je lui dis, il est 1h du matin, demain, c'est aujourd'hui. Je lui dis, moi, je peux pas, c'est trop stressant. Est-ce que tu peux pas me mettre sur un autre jour? Je sais pas. Elle me dit, ok, je te mets sur lundi. Donc, j'avais, si tu veux, samedi et dimanche, entre guillemets, pour me préparer. Mais en réalité, j'ai pas réellement pu me préparer parce que je savais pas. Non, on sait pas ce qui m'attendait. Voilà, ce qui m'attendait. C'est pas comme un examen où tu sais que tu dois réviser tel chapitre et préparer telle question. Et en plus, c'était hyper stressant parce que je l'avais dit à personne. En gros, j'ai trois sœurs et j'en ai parlé qu'à deux de mes trois sœurs. Je l'avais pas dit à mes parents, je l'avais pas dit à mes amis. Et en plus, dimanche après-midi, à mes amis qui sont venus chez moi, mes copines qui sont venus chez moi, j'avais juste envie qu'elles partent pour pouvoir me retrouver toute seule et me préparer. Et donc, elles sont venues le dimanche après-midi et je leur disais, les filles, à 19h, j'ai une conf, donc je suis désolée, je ne vais pas vous mettre dehors, mais... et le lendemain, elles ont compris, tu vois. Et donc, c'était hyper stressant. Et franchement, c'était l'expérience la plus stressante de toute ma vie. J'ai jamais été, que ce soit le bac, le permis, je ne sais pas, les problèmes ou les épreuves qu'on peut avoir dans la vie. J'ai jamais été aussi stressée de ma vie. J'avais littéralement l'impression que j'allais à la guerre parce que quand je revisionnais les émissions et que je voyais la manière dont certaines personnes se faisaient mais lyncher, j'avais vu l'émission d'une... ils avaient invité une représentante, une femme qui était engagée pour l'écologie, l'environnement durable. Claire Nouvian ? Oui, je pense qu'il y a un petit carré comme ça. Oh. Et la manière dont ils l'ont traité, mais c'était juste abominable. Et je me suis dit... Et je pense aussi que c'est vraiment l'expérience où je suis le plus, mais littéralement sorti de ma zone de confort. Parce que j'ai déjà pris la parole devant beaucoup de personnes, devant plus de 300 personnes, mais je préfère prendre la parole devant 300 personnes bienveillantes qui sont là pour m'écouter que prendre la parole devant deux personnes qui sont là pour me dézinguer, tu vois. C'est et puis juste, en plus, on ne sait pas, par définition, derrière une caméra, on ne sait pas qui se trouve derrière. On ne sait pas qui se trouve derrière, c'est du live. C'est-à-dire que n'importe quel... Et tu n'avais jamais fait de direct ? J'avais jamais fait de plateau télé. Que ce soit direct ou pas, j'avais pas fait de média training pour me préparer et je me disais quelque part, il y a une petite voix dans ma tête qui me disait c'est de la folie parce que je suis partie sans même me préparer et en fait après l'émission, quand l'adrénaline est retombée, je me surprenais parfois à me dire mais qu'est-ce qui m'a pris. Genre, en fait, j'ai vraiment pris la décision, je sais pas, je me suis dit, je crois que j'ai eu un mouvement de folie parce que aujourd'hui, je pense que si c'était à refaire, je sais pas comment t'expliquer, je pense que j'ai pas réalisé l'ampleur du truc, tu vois. Et tu savais pas tout ce qui allait se passer derrière. Mais alors, clairement on va pas. Y venir, mais déjà, comment ça s'est passé sur le plateau ? Qu'est-ce que t'as trouvé sur le plateau ? Donc déjà, quand je suis arrivée dans les locaux, on a été donc dans un petit salon avant de d'entrer sur le plateau. Je te cache pas que j'étais un peu sur la... Je pense pas que ça se voyait, mais moi, dans ma tête, j'étais un peu sur la... Pas sur la défensive, mais en tout cas, je voulais pas m'exprimer dans la loge, tu vois. Parce que je partais du principe que je savais pas qui j'avais en face de moi. Les invités, je savais pas si je pouvais leur faire confiance ou pas. Donc, je me suis dit, peut-être que la moindre chose que je peux dire peut être retournée contre moi sur le live. Et t'avais sûrement totalement raison, vu ce que tu avais vu en ligne avec Claire Nouvian et vu l'émission. C'était pas un mauvais soupçon. Ça partait de... Voilà, c'est ça partait sur la enfin en c'est tout cas c'était sur quoi, la base ouais. Voilà de ce que j'avais vu sur les via les archives des émissions. Et en fait, ce qui m'a frappé, c'est qu'ils se connaissaient tous en fait, mais ils se connaissaient pas, enfin je voyais que c'était limite du copinage, tu vois. Ils se parlaient entre eux, ouais, alors tu vas te présenter au prochain truc, machin, l'autre il va faire son mandat. Et en fait, c'était frappant. Enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment frappant. Alors que c'était des invités extérieurs, c'était pas des chroniqueurs de l'émission. Pas du tout. Mais en fait, pour moi, ils devraient les embaucher. Ils devraient les embaucher parce que même après mon passage, je tombe sur des extraits d'émissions et je vois qu'il y a souvent les mêmes personnes qui sont invitées. Franchement, par exemple, Elisabeth Lévy, je la vois une émission sur deux. Tu vois, moi, j'exagère peut-être au niveau du ratio, mais je la vois souvent là-bas. Et donc en loge, je ne me suis pas trop exprimée. En fait, quelque part, ils font venir des gens comme toi, c'est-à-dire qu'ils sont complètement en dehors de leur zone de confort, parce que c'est beaucoup plus facile de déstabiliser quelqu'un. Complètement. Versus quelqu'un qui a l'habitude de venir tous les deux jours, et donc bah, forcément, il habite quasiment sur le plateau, donc c'est beaucoup plus simple d'être dans sa zone de confort. Ben oui, parce qu'ils ont l'habitude. En fait, il y a un décalage, il y a vraiment un fossé, parce qu'il y a un décalage au niveau des opinions et des avis, il y a un décalage, comme tu dis, au niveau de l'aisance. Bien sûr. Parce que quand t'as l'habitude de faire ce plateau, forcément, ça y est, à un moment donné, tu prends tes marques et t'es à la maison et plus éloquent. Et voilà, tu vois. Et puis moi, j'ai quand même certaines facilités à m'exprimer, même si je considère que j'ai encore une marge d'amélioration considérable. Mais t'es quand même vachement stressé quand t'es en terrain inconnu et en plus que t'as une team en face de toi. Oui, t'étais toute seule. Qui partage tous les mêmes opinions et que toi. Il y avait aucun allié pour toi sur le plateau. Bah, en fait, il y avait l'invité qui représentait la CGT qui était d'accord avec moi sur certaines choses. Mais en fait, moi, j'ai trouvé sa position intéressante dans le sens où il comprenait pas forcément le port du foulard, etc. Mais il considérait que c'était un choix personnel. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, moi, je vais pas avoir envie de me couvrir le corps de tatouage, mais en fait, peu m'importe les gens si c'est d'autres personnes. Aiment le faire, tu vois, c'est leur problème et je respecte. Et en fait, j'ai aucune opinion à avoir, tu vois, dans leur vie, dans ce qu'ils font de leur vie, quoi. Et donc, quand on est arrivé. Donc, ils ont été assez agressifs en plateau. Alors, en fait, ce qui était. En tout cas, ils venaient te chercher. Ouais, ce qui était marquant, c'est que pendant les temps d'antenne, ils étaient vachement agressifs. Et pendant les temps de publicité, en fait, j'avais l'impression d'être sur un plateau, mais de tournage de film. C'est-à-dire que pendant les pubs, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui disait « Coupez !» Et tu vois, chacun allait boire son petit verre d'eau. Et puis c'était « Ah, ben c'est génial hein, qu'on puisse échanger là-dessus, machin. » Et moi, je m'exprimais quasiment pas. En gros, c'était gentil en dehors de l'antenne. C'est ça. Et un peu en mode bulldog pendant c'est le ça. Live, quoi. C'est ça. Et en fait, ils donnaient clairement l'impression que pour eux, ce qui était important, c'était de susciter le clash pour augmenter l'audience, parce que c'est des questions financières. Moi, j'avais plus cette impression-là qu'autre chose. Ouais, franchement, c'est l'impression que j'ai eue. Ça me dépite. Je suis déprimée d'entendre ça parce que je suis journaliste et j'ai quitté les médias il y a 3 ans en partie pour ça. Et ça me dépite de me dire qu'on en est rendu là, quoi. Aussi bien sur le niveau du débat que sur... Enfin, le niveau aussi. On peut même considérer qu'il y a un niveau dans ce débat. Et sur le fait que, comme tu l'as dit, en fait, ils veulent créer du buzz, du clash. Ouais. Bah, en fait, ça m'a été confirmé parce que quelques semaines plus tard, j'ai rencontré l'équipe d'un podcast. Et il y a une des filles de l'équipe qui bossait... Donc, qui avait quitté hein, les médias, justement, qui avait bossé pour une émission... assez connue et qui disait que lors des réunions de rédaction, on cherchait pas à inviter des invités, on cherchait pas à inviter des personnes de qualité ou à aborder des sujets à enjeu, mais vraiment le credo c'était on va faire venir telle personne parce qu'elle s'entend pas avec telle personne et du coup avec un peu de chance ils vont se clasher. Ça va susciter de l'audience, ça va tourner sur les réseaux sociaux, donc ça montre aussi où est-ce qu'on en est aujourd'hui. D'où l'importance, je pense, de l'émergence des podcasts, des médias comme Combini, comme Brut, qui essayent vraiment, de montrer la pluralité des opinions, ouais. Qui sont des médias beaucoup plus engagés aussi. Et la réalité de ce qui se passe, oui. Et alors du coup, donc ça c'est pas toi qui le dis, c'est moi, mais tu t'en es super bien sortie sur ce plateau. Et c'est gentil. Et un sacré déchaîné. Répondant. Et il s'est passé quoi ensuite? Ensuite, ça a été la folie pour toi. Ouais, franchement, les premiers jours, j'ai pas réalisé ce qui se passait. Puis même le jour même, hein, parce que ce qui est marrant, c'est que juste après l'émission, je donnais un atelier justement d'éloquence à la fac de Saint-Denis. Et puis en sortant de la fac, j'avais des gens qui... Enfin, je voyais qu'on me regardait, qu'on me reconnaissait, etc. Et franchement, ça a été... C'était le hyper... Jour même. Le jour même. Et le soir même, je recevais plein de messages. Regarde, t'es en top tweet. Et je recevais plein de tweets. Parce qu'il y a eu, en fait, pour les gens qui n'auraient pas suivi... Ça, bah justement, ça a fait le buzz, en fait. Ça a fait le buzz, ouais. Pour donner une image, sur Instagram, je suis passée de 500 abonnés à, le jour même, à 30 000 abonnés et à 80 000 abonnés quelques jours plus tard. Donc, ça a vraiment... Et puis, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. J'ai été contactée par M6, par IT, par France Info, pardon, par BFM. Tu les as fait, tous ces médias? Non, non, non. T'as pas voulu? J'ai pas voulu, non, parce que pour plusieurs... Alors déjà, au départ, j'ai pas voulu, j'avais pas forcément d'argument, mais c'était tellement... Ouais, je sentais pas le truc, et j'avais déjà besoin que ça retombe, parce que déjà, en sortant du plateau, j'avais les larmes aux yeux, parce que j'ai toute la pression qui redescendait, tu vois. Et au-delà de ça... Tu voulais pas être érigée comme porte-parole? Vraiment pas. Ouais. Vraiment pas. Et l'après-midi même, j'avais été invitée par France Maghreb un peu dans le rush. J'ai accepté. Et puis, j'ai profité de ce temps de parole pour dire que je représentais personne. Enfin, que j'étais contente si des personnes s'étaient identifiées et que j'avais pu soulager et apporter un impact positif. Mais que je ne prétends pas représenter ou porter la parole de quelqu'un parce que ça implique des responsabilités. Et donc, puis, bien sûr. Voilà. Moi, je préfère m'exprimer que certaines personnes s'identifient, c'est-à-dire que je n'ai pas de responsabilité là-dedans, ça peut arriver, ça peut ne pas arriver, que m'ériger en porte-parole ou en représentant, et du coup, voilà. Je ne veux pas, en fait, m'imposer un poids que mes épaules ne peuvent pas supporter. Les premiers jours, je ne saurais pas décrire ce que j'ai ressenti, mais c'était très lourd, en fait. C'était... Beaucoup de pression d'un coup. beaucoup de pression d'un coup. Je calculais plus mon téléphone parce qu'il arrêtait pas de sonner. Après, j'ai reçu beaucoup de bienveillance. Franchement, j'ai été très reconnaissante. Enfin, je suis très reconnaissante, pardon, par rapport aux messages positifs que j'ai reçus. Mais il m'a fallu quelques jours pour absorber tout ça, pour réaliser tout ça. Après, là, ça va mieux parce que, bon, on me reconnaît, mais on me reconnaît moins parce que ça s'est tassé, ça s'est estompé. Mais en fait, c'est... Toi, t'es allé sur un plateau de télé. C'est brutal de passer de l'anonymat à la notoriété soudaine. Prendre le métro, sentir observé, tu vois. Même si c'est pas méchant, mais en tout cas, c'est humain. C'est pas facile. Et puis, c'était pas ton intention. Non, pas du tout. C'est pas comme si t'avais fait une émission de télé-réalité et que tu savais qu'en sortir, t'allais avoir des millions de followers. C'était là. C'est ça, parce que moi, je vois plein d'émissions où il y a des anonymes qui sont invités et ils tombent dans l'oubli après, tu vois. Et je pense que si je savais qu'il y aurait eu ce buzz, je sais pas si. Tu serais allée. Si je sais pas si j'y serais allée parce que. J'aurais eu peur, je pense. Bien sûr. J'aurais eu peur. Bah, c'est un peu vertigineux. Ouais. Après, aujourd'hui, je suis contente parce que j'ai appris à apprivoiser le truc et à m'en servir pour continuer à avoir un impact positif, à envoyer des ondes positives à ceux qui en ont besoin. Et par rapport aux émissions, une fois que j'ai bien réfléchi, j'ai rédigé un message type que j'envoyais à tous les médias où je disais à peu près ça. J'estime que j'ai eu largement l'opportunité de m'exprimer. Parce que tu sais, il y a d'autres femmes qui portent le foulard, qui passaient sur des formats très courts, 5 minutes, entre deux émissions, et qui n'avaient pas le temps de dire tout ce qu'elles pensaient. Donc moi, j'ai eu la chance quand même de passer sur un plateau d'une heure ou 1h30. Au total, j'ai parlé quand même une dizaine de minutes, quand tu condenses le tout, donc c'est quand même non négligeable par rapport aux autres. Et je disais dans mon message que je considérais que c'était un manque de respect vis-à-vis des Français ou des habitants de la France qui ont des réelles problématiques que de continuer à alimenter une polémique qui n'en est pas une. Donc je préférais. Et réagissaient comment les journalistes ou les personnes en face? Bah, ils me disaient. Après, ils me répondaient ce que je vais te dire, mais je ne sais pas ce qu'ils pensent, tu vois, réellement. Ils disaient d'accord, on comprend votre position, on vous recontactera par la suite. Ah oui, et je disais aussi que j'aimerais être sollicitée sur d'autres sujets que sur ce bien que sûr, j'ai sur la tête. Bien sûr. Moi, j'aimerais être invitée pour parler d'éducation par rapport à mon association. Je ne sais pas, de parler du manque de représentativité des femmes dans certains métiers, parce que moi, je suis de formation, même si c'est plus ce que je fais aujourd'hui. Mais voilà, je suis ingénieure, j'ai évolué professionnellement dans des milieux masculins. Donc voilà, j'aimerais bien intervenir sur d'autres choses que ça. Parce que même historiquement, tu vois... Quand tu googles mon nom, bon, si tu retires tous les articles qui passent de mon passage sur Pro, franchement, je ne suis jamais intervenue sur ce sujet. C'est-à-dire qu'il y a des articles du Parisien sur mon association, il y a des articles sur les concours d'éloquence, il y a des interventions sur... il y a des témoignages sur mon expérience en tant qu'ingénieur. Enfin, moi, j'ai jamais parlé, tu vois, de ma tenue vestimentaire ou de mes choix spirituels ou religieux. Donc, je l'ai fait parce qu'il fallait le faire et parce que je pense le contexte... Et puis, pour dire, bon, c'est bon, on va peut-être passer à autre chose. C'est ça, c'est ça. Mais voilà, j'ai pas envie de passer mon temps à parler de ça. Bien sûr. Alors, justement, c'est la question d'après qui... Je te laisse complètement libre, évidemment, de où est-ce que tu veux l'emmener. C'est quoi les causes que tu défends, qui te sont chères, et pourquoi est-ce qu'elles te sont chères? Bon, je vais essayer d'aller aux principales causes, parce que sinon, je vais faire un plaidoyer. Déjà, je déteste les injustices. Mais franchement, ça peut aller de la petite micro-injustice du serveur dans un restaurant qui fait du favoritisme entre tel client et tel client, à la grosse injustice de... Bah, hier, par exemple, j'ai fait une story par rapport à une histoire que j'ai entendue d'une personne qui a été victime de violences conjugales, qui a été au commissariat justement parce qu'elle se sentait en danger, et à qui la policière, du coup, c'est le comble, je trouve, parce que c'est une femme. Voilà, c'est une femme reçue par une femme. Reçue par une femme qui lui dit, écoutez, on ne peut rien faire pour vous, on a un problème informatique... on vous donnera rendez-vous dans 2-3 jours. Et on sait que tous les 2, je crois, ou 3 jours, il y a une femme qui succombe sous les coups de son conjoint. Donc, et je crois que cette femme a failli être tuée 4 fois par son mari. Alors, je ne sais plus si c'était plusieurs fois, en tout cas. En tout cas, plusieurs fois. Elle encourt un danger immédiat au contact de son mari, quoi. Oui, oui, clairement. Et on lui répond, revenez, on vous donnera rendez-vous. Et ça m'a fait penser, tu sais, à un spot publicitaire, je trouve ça tellement dommage qu'il ne le diffuse plus, qui m'avait vraiment marqué. Où en fait, c'est une caméra qui filme un paysage paradisiaque, c'est une plage, et tu as une femme en voix off qui dit « Avant, j'étais victime des violences de mon conjoint, etc. Et maintenant, c'est terminé. » Et en fait, la caméra, elle termine sur une tombe, en fait. Et tu comprends que c'est terminé parce que la femme a succombé au cours de « Elle n'est plus là ». Et donc, de manière générale, moi, les injustices, c'est ce qui fait que je m'insurge, ouais. Donc, les injustices de toute forme, moi, les gens de mon entourage, en fait, me charrient par rapport à ça en me disant « Sarah, c'est l'avocate. Quand il y a un problème, appelez Sarah, elle va vous écrire un mail. Quand ça peut aller du voyage ou la compagnie de vacances, elle a pas été pro du tout à des sujets beaucoup plus sérieux. » Et plus particulièrement, après, bien entendu, à la question de la femme qui me touche plus particulièrement, parce que je suis une femme, mais aussi parce que ça m'attriste de voir qu'en 2020, on a certaines problématiques qui datent de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'années. Et en fait, il y a aussi toutes les questions de double discours qui me mettent dans des états. Quand j'entends que la France est le pays des droits de l'homme et que je vois où on en est aujourd'hui. Et hier, j'ai appris un truc hyper intéressant. C'est qu'apparemment, c'est une spécialiste en droit qui disait que la première déclaration des droits de l'homme, le premier pays à avoir fait une déclaration des droits de l'homme, c'était l'Iran. Alors qu'il y a tellement de personnes qui pensent que c'est la France, tu vois. Et la dernière question qui me tient vraiment à cœur, c'est l'éducation. Donc ça, c'est ce que tu fais en partie avec ton association. C'est ça. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus ? Ouais, sur l'association, en fait, l'association, donc on était parti, comme je te le disais tout à l'heure, d'un constat. Moi, il y a un truc que je ne comprends pas, franchement, en France, c'est que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau mandat, on essaye de créer des nouvelles réformes pour améliorer l'éducation nationale. Et pour moi, c'est de l'orgueil. Pourquoi c'est de l'orgueil ? Parce que il y a tellement de choses qui fonctionnent déjà dans d'autres pays. Donc pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas juste un patchwork ou un mix de ce qui fonctionne déjà et qu'on, au lieu de chercher à inventer, à créer des choses, c'est dans ce sens-là que je trouve que c'est de l'orgueil pour dire « Ah, nous, la France, on a créé telle méthode et ça a bien fonctionné. » On voit bien que ça fait des années que ça ne fonctionne pas du tout. C'est-à-dire qu'on veut essayer de réinventer la roue alors qu'en fait, ça existe ailleurs et qu'on pourrait s'en inspirer. Et voilà. C'est ça. Est-ce que tu as des exemples de pays où ça marche ? Et quand tu dis ça, qu'est-ce qui marche ? On a l'exemple des pays scandinaves et du Japon. Donc par exemple, au Japon, qui sont tellement en avance. Et au Japon, par exemple, du CP au CM1, dans les écoles primaires, tu n'as pas d'agent de nettoyage. En fait, c'est les élèves eux-mêmes qui nettoient leur classe, tu as un planning de roulement, qui balaye la classe, qui nettoie les tables, qui nettoie les robinets, tu vois. Le but, c'est d'apprendre à... C'est d'apprendre, et quand tu vois la discipline qu'il y a au Japon, tu comprends tout de suite. Par exemple, tu sais, les Japonais, quand ils attendent le métro, ils peuvent être le plus en retard du monde, ils font quand même la file derrière les portes, tu vois, sur les quais. On est loin du métro, par exemple. On est très, très loin, tu vois, du métro, où c'est du catch, tu vois, limite, pour entrer dans les wagons. Et donc, dans les pays scandinaves, dans un pays scandinave, je ne vais pas dire de bêtises, je pense que c'est la Finlande, mais je ne suis pas sûre, donc si je me trompe, j'en suis désolée, qui a décidé cette année de supprimer les matières et d'étudier plutôt sous forme de thématique. C'est-à-dire que plutôt qu'avoir de la biologie, de la physique et de la chimie, eh bien, tu vas étudier la botanique. Et dans la botanique, tu vas avoir et de la biologie, et de la physique, et de la chimie, tu vois. Et ça a plein d'avantages, et notamment le fait d'anticiper, tu sais, le phénomène où tu as un blocage par rapport à des disciplines. Moi, j'ai eu tellement d'élèves qui faisaient... Voilà, c'est dans la tête. Ouais. Et souvent, les maths, tu vois. Moi, je suis nulle en maths. Alors déjà, tu vas commencer par arrêter de te dire que tu es nul en maths, sinon je vais pouvoir t'emmener nulle part. Et quand tu déconstruis déjà ce postulat, mais tu fais un pas tellement grand dans la progression. C'est décloisonner les matières pour éviter des blocages potentiels. C'est ça. C'est un des avantages. Je pense qu'il y en a d'autres, tu vois. Mais c'est un des avantages et moi, je ne comprends pas. Donc, il y a quelques années, quand moi, j'étais à l'école, il y avait la question des banlieues, donc le fameux décalage entre le niveau en banlieue et le niveau ailleurs. Et aujourd'hui, il y a tellement d'autres problèmes. Moi, je suis en lien avec des centres socioculturels sur ma ville. C'est quoi ta ville ? Gennevilliers. Et je discutais la dernière fois avec une employée qui est chargée de faire le lien entre les écoles, les parents, parce que tu sais, les centres sociaux, c'est un peu une plaque tournante pour les familles. Ils accueillent, c'est vraiment un lieu de vie. Ils accueillent beaucoup de parents, beaucoup d'enfants. Et elle me disait qu'il y a certains professeurs en CP qui mettaient des 0 sur 20 sans aucun commentaire. Après, moi, je suis pas en train de jeter la pierre aux professeurs parce que je pense qu'eux aussi ont des problématiques, un manque de formation, ils sont livrés à eux-mêmes. Donc, si tu veux, je suis juste en train de faire le constat de tout ce qui ne va pas. Mais le principal coupable, on va se le dire sans langue de bois, c'est là-haut de toute façon, puisque c'est de là-haut que tout découle. Il y a beaucoup de choses à revoir dans l'éducation nationale. Ah oui. Et puis, même le système de notation, par exemple. Bah oui, le système de notation, il y a beaucoup de pays qui fonctionnent sans notes, tu vois, plutôt avec des acquis. Moi, je sais que quand je coach, tu vois, en formation... C'est marrant, la dernière fois, je coachais un influenceur que j'aime beaucoup, qui est plus jeune que moi. Et à la fin de la séance, il m'a dit, tu mets combien, tu vois ? Tu vois que c'est ancré, tu vois, dans les esprits. Je lui dis, écoute, avec moi, tu n'auras jamais de notes. À moins qu'un jour je te dise, aujourd'hui, tu as 20 sur 20, tu vois, pour t'encourager, mais tu n'auras jamais de notes. Moi, je vais plutôt te dire, on a toutes ces choses, tu dois acquérir toutes ces choses-là d'ici la fin. Et puis, à chaque séance, je te dirai, bah là, tu en es à tant d'avancement, tu en es à 80% d'avancement sur tel acquis, etc. Mais je ne te donnerai pas de notes, parce que ça ne veut rien dire, en fait. Bien sûr. C'est ça veut rien dire. Et ça crée potentiellement des traumatismes chez les enfants. Bien sûr. Et puis, j'en sais rien, mais moi, mon analyse, je ne suis pas du tout la seule à... Enfin, je l'ai même lu ailleurs, ça ne vient pas du tout de moi. C'est que le système de notation, le fait d'apprendre dès qu'on est petit, ça met dans un esprit de compétition qu'on reproduit plus tard. Et c'est aussi, je pense, mais je le pense vraiment, une des causes des maux de notre société, quoi. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'en fait, on arrive dans des boîtes où tout est hyper compète, ce que tu disais avec le conseil tout à l'heure, quoi. Ouais. Tout est fait plus ou moins consciemment ou pas, mais pour avoir la première place, quoi. Ouais, et ça crée des sociétés compliquées derrière. Individualiste aussi. Et ça commence dès l'enfance, en fait, ça. Ouais, mais ça commence très tôt, effectivement. Si tu veux de toute façon changer une société, il faut que tu commences par changer les enfants, puisque c'est les enfants et les jeunes, puisqu'ils représentent l'avenir. Et c'est important en fait de commencer par la case départ, tout simplement. Et puis là, les gens s'en rendent de plus en plus compte, j'ai l'impression. J'étais tombée l'année dernière sur un reportage qu'avait fait un journaliste qui était hyper intéressant et hyper choquant à la fois. C'était un journaliste qui s'était fait passer pour un candidat à l'éducation, justement au concours de professeurs des écoles, pour enseigner, je crois, au collège ou au lycée. Et il est arrivé pour enseigner le français. Il a fait volontairement des fautes, mais monstres, pendant l'entretien. Il a été pris quand même. Au final, il a fait sa rentrée en prof de maths. Ça te montre l'étendue du... Et puis hier, j'ai reçu une notification news qui disait que cette année, il y avait le nombre de candidatures avait encore baissé de 10%. C'est-à-dire que c'est de moins en moins attractif et encore plus dans les banlieues. Les professeurs, et puis ça se comprend, tu envoies des professeurs qui viennent juste d'être diplômés en banlieue alors que l'état des banlieues aujourd'hui est catastrophique à cause de toutes les politiques qui ont été menées auparavant. Tu sais, moi, le discours que je tiens aujourd'hui, jusqu'au bac je n'ai jamais tenu ce discours. C'est-à-dire que quand j'entendais des gens dire « nous, les banlieues, machin », je disais « non, faut pas dire ça, faut pas tenir un discours victimaire, quand on veut, on peut », donc voilà, dans mon délire bisounours, encore une fois. Et quand j'ai réalisé que c'était vrai, c'est au moment où j'ai intégré l'école d'Angers. Donc comme je te disais tout à l'heure, j'ai mon bac avec mention bien, tu vois, donc plus de 14 de moyenne. Et je suis arrivée en école d'Angers, on faisait des révisions de ce qu'on était censé avoir acquis, mais je ne comprenais rien. C'est-à-dire que les premières notes que j'ai eues, c'était des 6 sur 20, des 4 sur 20, et j'ai dû travailler, mais... cinq fois plus pour rattraper mon retard, alors que ça concernait des choses que j'étais normalement censée avoir acquis en terminale. Et donc là, je me suis dit, ah ouais, non, c'est la vérité, en fait. C'est la vérité. C'est que le niveau est moins bon et on fait croire qu'il est OK, oui. Mais en fait, il n'est pas du tout au même niveau. Et le bac, il est vraiment simplifié pour justement masquer ces différences-là, tu vois. Donc, j'ai réalisé que c'est la vérité. Après, moi, effectivement, j'ai eu la chance. Il y a des statistiques qui montrent que les élèves qui réussissent le mieux sont les élèves de professeurs. Donc, les enfants de professeurs. Du coup, les élèves de professeurs, c'est pas trop vrai. J'ai des parents qui sont instits, donc j'ai un petit peu compris, tu vois. Mais pareil, il y a des études. Mais tout le monde n'a pas des parents instits, donc ça. Donc, tu vois, c'est scandaleux que. Et puis, ce qui est scandaleux, c'est que, comme tu le disais, ça fait des années que ça marche pas. Et donc, on continue à envoyer au casse-pipe des jeunes qui n'y connaissent rien, qui sont donc pas du tout armés. Et c'est pas le bon mot, armés, mais en tout cas, qui savent pas gérer les situations, qui savent pas bien accompagner. Et il y a tellement de choses. Puis moi, maintenant, je vois un petit peu comment ça fonctionne de l'intérieur. Parce que depuis qu'on a l'association, on fait des partenariats avec des établissements, avec des municipalités, avec le département. Et on voit que la France est un pays tellement procédurier que quand tu veux faire des choses simples qui peuvent faire avancer de manière considérable les choses, tu te retrouves bloqué parce qu'il faut la validation d'un tel et la validation d'une telle. Et parce que ton visage ou ton parcours plaît pas trop à telle personne, ça va pas aboutir. Et il y a beaucoup de flou aussi sur certaines choses parce que l'Éducation nationale avait mis en place la réforme. Alors je crois que c'était il y a un ou deux ans. J'ai oublié le nom de la réforme parce que. Alors moi, j'ai une mémoire très sélective, c'est-à-dire que quand je crois pas en quelque chose, je l'oublie, c'est très grave. Mais en tout cas, c'était une réforme qui visait à renforcer les liens entre les associations locales et les établissements pour justement profiter de cette force qui est présente et atteindre un objectif commun. Et donc moi, j'avais rencontré la proviseure du collège dans lequel j'ai étudié pour mettre en place quelque chose et je suis en de très bons termes avec de nombreux professeurs du collège en question. Et elle m'a dit, c'est la réforme devoir fait, je viens de m'en souvenir. Et elle m'a répondu, alors non, ne vous inquiétez pas, notre ministre a mis en place la réforme du devoir fait, donc on n'a pas besoin de vos services. Et moi, je ne connaissais pas cette réforme à l'époque. Et quelques mois plus tard, comble de l'ironie, je suis invitée à une rencontre organisée justement par le ministère de l'Éducation nationale sur cette réforme. Et quand le représentant nous explique, je me rends compte qu'elle l'a raconté n'importe quoi, puisque cette réforme consistait à impliquer davantage les associations. Et pour revenir au côté procédurier, l'inconvénient, c'est que tu vois, dans les collèges, l'organisation, elle est faite de sorte à ce que tu peux avoir tous les professeurs d'accord sur quelque chose, le professeur a un veto. Et le proviseur adjoint peut être d'accord avec tout le personnel de l'établissement si le proviseur dit non, c'est non. Et donc, c'est ce qui nous a bloqué. Et j'ai interpellé le ministre de l'Éducation là-dessus en lui disant, écoutez, c'est bien beau, vous mettez en place une réforme, mais la manière dont le collège fonctionne constitue un blocage à ça. C'est-à-dire que c'est bien beau les bonnes intentions, mais dans l'état actuel des choses, si le proviseur dit non, c'est non. Donc comment on fait, tu vois ? Et comme tout politique qui se respecte, il m'a dit qu'il allait étudier la question. Voilà. La phrase clé, finalement. Quand c'est ça, le joker. C'est marrant parce que c'est ce qu'a dit... je t'en prie. C'est marrant parce que ça me fait penser à... C'est à peu près ce qu'a dit, je crois, le président Emmanuel Macron, après avoir visionné, tu sais, le film Les Misérables. Oui. Il a dit, je discuterai avec mes équipes sur la question. Alors que c'est pas du tout un film qui invite... Enfin... C'est un film qui touche, qui prend aux tripes, quoi. Mais clairement. Donc, c'est, on n'a pas du tout envie d'avoir un discours politique policé. Bien sûr. Et moi, quand on me demande mon avis sur ce film, je dis, j'ai pas les mots, allez le voir. C'est quoi tes rêves pour toi, pour la suite, ce que tu aimerais bien faire? Et, on change un peu d'échelle, tes rêves pour l'humanité? Alors, mes rêves pour la suite... Donc personnellement, j'aimerais quitter ce monde en ayant laissé une trace positive. J'aimerais avoir laissé des outils, des choses que les gens pourront réutiliser de manière intemporelle pour vivre mieux et vivre mieux ensemble. Et j'aimerais pouvoir tout le restant de ma vie, ou en tout cas le maximum, pouvoir vivre de ce que j'aime. Et en tout cas, j'y travaille pour pouvoir atteindre cet objectif. Et pour l'humanité, de manière globale, je sais que c'est impossible de vivre dans un monde où tout le monde est gentil, tout le monde est bienveillant, tout le monde est bienfaisant. Mais je pense que si on atteint un jour où les représentants, en tout cas de l'autorité, auront une attitude exemplaire ou se rapprocheront d'une attitude exemplaire, comme ça l'est dans certains pays, je sais que dans certains pays, t'as des représentants politiques qui démissionnent d'eux-mêmes à la moindre petite boulette qu'ils commettent. On en est loin, nous. Nous, voilà, en France, on en est très loin. Mais je pense que le jour où on aura atteint cet objectif-là, le monde ira mieux. Et en tout cas, à notre échelle personnelle, je pense que ce qu'on peut faire, c'est de chacun s'occuper de soi-même. Déjà de s'améliorer soi-même et de ne s'occuper de la vie des autres que pour leur apporter quelque chose de positif. Plutôt que d'être dans le jugement. Dans le jugement ou dans la méchanceté ou dans le rejet. C'est un beau programme déjà. Il y a du travail. Et dernière question avant qu'on se quitte. Ça peut être au pluriel, qui est-ce que tu aimerais voir à ta place, donc, en tant qu'invité, dans ce podcast prochainement? Alors, les personnes que j'aimerais bien voir dans ce podcast, franchement, il y en a tellement, mais je vais en citer quelques-unes. Ce serait Gallo Diallo, je sais pas si tu connais. Non, je crois pas. Alors, Gallo Diallo, c'est le PDG de Smile Conseil. En fait, c'est une entreprise de communication qui manage énormément d'influenceurs en France, et ils ont un énorme intérêt pour l'impact positif, l'engagement solidaire, social, humanitaire, environnemental. Et il y a une autre personne aussi que j'aimerais voir, c'était un garçon et une fille, c'est Samia Benaïssa. Mm-hmm. C'est la fondatrice du réseau Code Mode. En fait, elle a créé le premier réseau qui structure la modeste fashion en France. Mmh. Elle a une approche de la mode très éthique qui est vraiment intéressante. C'est une industrie extrêmement polluante. Ouais, complètement. Et puis, on va rajouter une dernière personne. J'aimerais bien voir Loubna Alan, pourquoi pas, dans ce podcast, qui est une coach en business et développement de projet, qui a été une très belle rencontre et qui m'a pas mal aidée dans mon activité. Donc, je pense que ce serait intéressant aussi de l'avoir là-dedans. Super. Merci infiniment, Sarah. Merci à toi. Je suis Laura Jane Gauthier. Supplément d'âme est un podcast indépendant. Alors, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. Je tiens à remercier chaleureusement les hôtels Maurice Durand qui me mettent à disposition une chambre pour l'enregistrement de mes épisodes.